les ondes du passé. Et des rivières de larmes quand tu as su pleurer. Ces empreintes de l'âme que tu ne peux cacher griffent ton visage un peu plus chaque année. Les rides, témoins de tes rires, punitions sans procès. Les rides, de bouts de joie volés en petites pincées. Broderie d'expressions qui de fil en aiguille ont crayonné ta toile de traces indélébiles. Les rides, il laisse en signature sur ta peau basanée. Les rides, de minces lignes blanches comme un petit pousset, souhaite que l'on devine à travers ses dessins, non pas l'âge que tu as, seulement d'où tu viens.